Test Ouais. son. Ouais. Alors Clara, vas-y. Test Super, son. Super Clara. Bonjour à tous. C'est l'heure dont on s'écoute ça tout de suite. Je suis avec notre petit Philippe Manœuvre à nous, hein, Noé. Comment ça va ? Salut les kids. Salut les kids. Et aujourd'hui, une émission avec une invitée. Hein, j'ai dit une invitée. Hein, vous la connaissez sûrement parce que vous l'avez déjà entendue dans notre autre émission. C'est Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Tu as bien travaillé pour aujourd'hui ? Oui, mais oui, voilà, oui. Tu vois que tu as quelques pages Wikipédia ouvertes. Petit me regard tarde en train de folle la guêpe. Bon, alors vous savez quoi ? Non. C'est les vacances ? Wouh non, si, alors, c'est bah les moi je ne considère pas en vacances. Bah moi je me considère un petit peu en vacances. Oui, mais des dossiers, tu parles. Un dossier qui comptera pas dans la moyenne. Enfin bref, lisez non, mais vos mails. Les dossiers de master, je veux dire aussi. Ouais bon. Bon, vos playlists sont prêtes ? Oui. Ouais, je vois que vous avez bien travaillé. On a fait ça un peu à l'arrache, mais bon. Bon, alors toujours sur des considérations musicales. Hein, nous étions au festival L'Air de Rien de Rezé hein, la semaine d'avant pour Génial. Voir Ratboy et Twin Peaks. Hein, c'était Génial. Bien. Génial. Hein. C'était très très très bien. Ouais, on vous conseille d'aller. On a déjà fait. Alors, on a fait un débrief petit déj. On a fait un débrief court des miracles. On vous conseille juste d'aller jeter une petite oreille, hein, vu que c'est très très sympa. Avant d'attaquer, on va remercier les quelques retours sur les anciennes émissions, particulièrement sur les dernières, puisque certaines personnes ont pu découvrir le monde des One Hit Wonder. Hein. Ouais, et ils ont dit que c'était très intéressant, donc voilà, on les remercie de leur écoute. Merci. Et donc après les années 2000, après les One Hit Wonder, on va relâcher un petit peu la pression hein, avec mon cher Noé. De quoi il est question aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on va faire, comme la dernière fois qu'on avait un invité, une sélection open bar, chacun met ce qu'il a envie. Je vois que Clara a très très envie de participer, qu'est-ce qu'il y a Clara ? Non, j'ai envie, je viens juste de cater que mon retour n'était pas bien branché, c'est pour ça que j'entendais rien, c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi. Et voilà, c'est très bien. Clara, mais la terreur des émissions. Heureusement que je m'en rends compte maintenant et pas dans 30 minutes. Enfin, ouais. Et justement, puisque tu parles, c'est à toi de commencer. C'est à moi de commencer. Eh bien, mon premier morceau que j'ai sélectionné, c'était un morceau de Vampire Weekend, qui date de 2010, qui s'appelle Giving Up the Gun. Et on s'écoute ça tout de suite. Trophy, forget. J'espère que vous avez apprécié ce petit morceau de Vampire Weekend. Bah, pas trop, moi. Je pas trop, bah pas oui, trop j'ai bien compris, mais c'est... tant pis. Ouais, no clash sur cette émission. Peut-être que tu apprécieras plus le clip, puisque dans ce clip, on retrouve Joe Jonas, Jake Gyllenhaal et Lil Jon qui jouent au tennis. Il est pas mort. Pas plus, tu vois. Et non, si, le clip est super, assez sympa. Et du coup, en fait, j'ai repéré sur Twitter, donc c'était il y a quelques mois maintenant, quelques semaines, mais il y avait le hashtag Indie Amnesty. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Donc et pourtant, j'en passe un rapport avec l'indie rock. Ouais, exactement. En fait, ça a tourné donc début avril. D'ailleurs, c'était même le 6 avril, donc le jour. Ah. Et voilà. Et donc, en fait, c'était pas mal de tweetos anglais qui se remémoraient des petites anecdotes de leur. Ah, trop bien. De la musique indie avant les réseaux sociaux, donc 2007, 2008, 2006. C'était à l'époque 2007. De MySpace. Ouais. Et en fait, donc il y avait pas mal de petits souvenirs, genre. J'en ai repéré quelques-uns de sympas, genre « I had the Fratellis Chelsea Dagger as my ringtone for entire first Dagger. And second years of university, hashtag Indie Amnesty » ou « Donc il avait Chelsea Dagger en sonnant son téléphone. Ou « To this day, I'm pretty sure the only reason I passed my driver's test was because my instructor was also really into Blur. » Ah bah le Toffel, hein. Ouais, non mais c'est... Il a eu son permis parce que jusqu'aujourd'hui, je suis quasiment sûr que j'ai passé mon permis parce que on était tous les deux à fond avec mon instructeur sur Blur. Et non, et en fait, j'ai retrouvé pas mal de groupes que j'écoutais, bah pareil, 2007, 2008, donc quand je commençais à écouter un peu de rock. Donc, est-ce que vous allez me dire si vous vous reconnaissez? Donc, il y avait Mystery Jets, We Are Scientists, oui, c'est passé à Rennes d'ailleurs. Maximo Park, The Rakes, Vision Detective, Cajun Dance Party, Razorlight, etc. Il y a aussi Arctic Monkeys. Il y avait plein de The Strokes, cool. etc. Et c'était marrant parce que d'ailleurs, il y a aussi Alex Caprano qui a tweeté. Il y a plusieurs groupes. La France Ferdinand, évidemment. Ouais. Et donc voilà, c'était assez marrant et ça m'a permis de retrouver pas mal de groupes que j'écoutais il y a longtemps. Donc voilà, c'était sympa. Ok, moi je vais enchaîner avec un groupe que j'écoutais il y a très longtemps. Hein. Si je vous dis Ville Rose, Cassoulet et Accent du Sud, vous me répondez? À Toulouse. Toulouse, ouais. Eh bien voilà, alors ça n'a rien j'ai à voir, hasard, hein. À part le nom, hein, puisque c'est Born Toulouse de Johnny Fenders. On s'écoute ça tout de suite. Born to lose. Alors Johnny Penders, hein, c'était un petit immigré italien qui a grandi à la dure, hein, dans la petite ville de New York. Il s'est retrouvé à 19 ans guitariste des légendaires New York Dolls, hein, je sais pas si vous connaissez, ce fameux groupe qui avait poussé le concept du look glam à son paroxysme, avec maquillage, plateforme boot permanente et tutti quanti. Niveau musical, on est sur quelque chose de sauvage, hein, de rapide, hein, qui va, comme chacun sait, préfigurer du punk. On appelle ça du proto-punk maintenant, mais à l'époque ça n'avait pas vraiment de nom. À l'instar des Stooges ou de MC5. Alors en 75, un Fender s'y quitte les Dolls et ils fondent The Heartbreakers, qu'on vient d'écouter, dans lequel il tient le chant et puis la guitare. Toujours en avance sur son temps, il va participer à la fondation du punk, hein, et sort en 77 un album énormissime, hein, sous le doux nom de LAMF pour Like a Motherfucker. Pour la petite anecdote, en fait, plus pourquoi jeune... Pourquoi toujours cette obsession sur les mamans, ça m'énerve. Bah, c'est le complexe d'Oedipe. Plus jeune, hein, il écrivait sur les murs de New York, hein, DTKLAMF, ce qui signifiait Down to Kill Like a Motherfucker. J'ai pas mon tofu, moi. Hein, c'est un genre de signe de gang. Alors, Born to Lose, hein, c'est un des singles de l'AMF, et ça résume assez bien la vie de ce pauvre Johnny, hein, toxicomane et violent. Alors, on fait concis maintenant dans l'émission, mais je vais quand même vous raconter une petite anecdote. On pourra en parler des heures, hein, de Johnny Thunder, mais voilà. Vous pourrez aller vérifier vous-même. Hein. C'est les 25 ans de sa mort en ce moment, du coup, il y a pas mal de trucs. Le dernier Rock and Folk l'a mis en couple, il est vachement bien d'ailleurs. Et bref, en 77, hein, les Sex Pistols sortent une chanson qui s'appelle New York, où ils désinguent les Dolls. Hein. Ils les traitent de vieux PD et tout ça. Voilà, ils leur mettent bien cher, quoi. Et du coup, Fenders, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a écrit une chanson qui s'appelle London Boys, puisque les Sex Pistols venaient de Londres, où il les remet à leur place en les traitant de « les mecs, vous êtes que des petits gosses de bourges, quoi. Mm-hmm. Et si nous, les Dolls, on n'avait pas été là, mais vous seriez rien, vous seriez que dalle. » Et du coup, voilà, c'est assez marrant. C'est un peu les ancêtres des Clash, ouais. Rof, Booba et tout ça, mais en plus rock'n'roll et en plus marrant. Bon, c'est l'heure de The Kills. Alors, je sais que vous aimez plutôt bien autour de la table. Hein, Kills Like a Motherfucker. Je suis pas allé chercher très loin le morceau que je vous propose, puisque c'est le peut-être le plus grand hit, je sais pas, Future Start Slow. Ah non, je pense pas. Je connais pas assez The Kills. Oh non, Tape Song. C'est tiré de leur album Blood Pressure, hein, qu'on entend pas mal de nouveau en ce moment, hein, je vous dirai pourquoi. Et en plus, j'adore l'intro, donc tout de suite, Future Start Slow de The Kills. On s'écoute ça tout de suite. Yeah. Un morceau qu'on entend pas mal et je l'ai redécouvert grâce à la publicité. Hein. Je sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a une pub Mango qui passe et avec ce morceau. Donc, non, j'ai pas vu. Alors, pour être franc, je connais pas trop les albums. Hein. Je sais pas vous si vous avez tout écouté. Si, moi j'ai. Bah, pareil, on parlait des vieux trucs de pop indé. Moi j'adorais les Kills. Quoi. Un nouvel album aussi. Nouvel album qui est prévu pour juin. Hein, donc, ouais, tournée aussi, je crois. Ouais, sûrement une tournée. Si, il passe en France bientôt. J'ai écouté la Doing It To Death, c'était la dernière, ça ? J'avoue, j'ai pas écouté. Elle est vraiment cool. Elle est vraiment, cool. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont que deux dans le groupe. Hein. Il y a Alison Mossart au chant, Jamie Hines, je ne sais pas comment Hines. On dit. Hines, ah, à la guitare. Pouce. Oui. Et ils utilisent pas mal de boucles au niveau de la batterie, de la basse aussi, sûrement. Hein. Et, la batterie, voilà. Surtout, ils semblent genre des gouttes d'eau, ou alors ils ont une chanson, You Are a Fever, où ils semblent un téléphone, le du téléphone. Et, oui. Et en tout cas, ce que j'adore dans ce morceau, c'est l'alliance des deux voix, celle de Mossart et puis celle de Hines qui est un petit peu derrière. Et grave, ouais. Moi j'adore. Justement, Mozart, vous vouliez dire quelque chose, il me semble. Ouais, j'ai une petite théorie. J'ai une petite théorie sur Alison Mozart. Je sais pas si c'est toujours d'actualité parce que ça fait longtemps que j'ai pas remis les pieds dans un lycée. Mais à mon époque, hein, back in the days, il y avait toujours au moins une fille dans les lycées de France qui voulait ressembler à Alison Mozart. Moi, qui s'habillait pantalon léopard, cheveux un peu en bataille, avec la grosse frange, une lunette ronde, voilà. Et ben moi j'ai pas eu ça, donc ah mais toi la théorie, elle était pas née Alison Mozart quand t'étais au lycée aussi. Donc un truc assez hallucinant aussi, c'est concernant Alison Mozart, c'est qu'elle a commencé à chanter à 13 ans, hein, et à 14 ans elle fait un groupe de punk et part en tournée, voilà. Elle rencontrera justement Jamie Hines à Londres, hein, qu'elle reverra quelques années plus tard, et à peine 18 ans elle a fait le tour du monde, aux États-Unis, au Japon, en Europe, donc c'est assez dingue. Elle a une sacrée carrière assez précoce, ah ouais. Mozart. Et pour le prochain morceau, on va s'écouter Honey and I de AIM. On s'écoute ça tout de suite. Honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, my honey and I, C'était AIM et Oh non. Mais je peux pas. C'est trop dur. Donc AIM c'est un groupe composé de trois sœurs, oui. Comme Ellie G. Il y a Daniel et Alana AIM à la guitare et au chant, Esté à la basse et au chant, et donc Dash Hutton qui n'est pas sœur avec les trois sœurs. C'est la cousine. Non, c'est un garçon. Ah. Bon. Et ils ont fait une tournée avec Space. C'est le fils de Danny Hutton, donc c'est un garçon qui est le fils d'un membre de groupe. C'est une histoire. Qui fait la batterie. Mais voilà, AIM c'est basé sur le nom de famille des trois sœurs qui viennent d'Israël. Et je sais pas si pour moi ça me faisait un peu penser à Fleetwood Mac dans le son. Je sais pas si ça vous a rappelé un peu. Je connais pas vraiment Fleetwood Mac, non. Un petit peu. Un petit peu. Et en fait non, parce qu'elles ont fait deux reprises de Fleetwood Mac. Ouais. Dreams et Oh Well. Bah elles sont progressifs. Ouais. Et non, j'aimais bien. Et donc voilà leur dernière. Elles ont fait qu'un album en 2013. Qui s'appelle Days Are Gone. Et il est très très cool. Je trouve que c'est un peu dans ce style-là, très, très tranquille. Sans vouloir être méchant, j'aime pas trop non plus. Ouais, bah, non, c'est mais toi, tu rien aujourd'hui. Ah, je sais pas, je suis un peu gros non, mais aujourd'hui. Peut-être que c'est... On n'a pas les mêmes goûts, hein, au final. Non, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Bah, on a les mêmes goûts sur certains trucs. Ouais. On aime bien certains trucs, mais là ce que t'as pas aimé, c'est pas grave. Bon, la minute nostalgie. Nostalgie, on s'écoute un morceau des plus nostalgiques, on s'écoute Nas avec Memory Lane. I fuck that shit, word, fuck that other shit, you know what I'm saying? We gonna do a little something like this, you know what I'm saying? Keep it on and on and on and on and, you know what I'm saying? Big Nas, Grand Wizard, dog, what is it like? You know what I'm saying? I rap for listeners, blunt heads, fly ladies and prisoners, Hennessy holders and old school niggas, then I be dissing her, unofficials that mo woolly tie, I dropped out of coolie high, gas the bar, coquette, cutie pie, jungle survivor, fuck who's the lava, my man put the battery in my back, a difference for managers, a sentence begins to dent it, with formality, moderation's infinite, money wise, a physiology, poetry that's a part of me, retardedly bop, I dropped the ancient manifested hip hop, straight off the block, I reminisce a park chance, my man was shot for a sheep coat. Chocolate blessing, make me see I'm dropping my weed smoke. It's real, grew up in trife life. The times of white lines, the high fives, murderous night times, the night fights and bright crimes. Chill on the block with Carniaco strap. With my peeps that's in the drug money market interact. No sign of the beast and a blue Chrysler. I guess that means peace for niggas. No shice device to just snipe ya. Start up the dice, rolling match for crap to CeeLo. What's our bet? So roll a deuce, nothing below. Peace God. Now the shit is explained. I'm taking niggas on a trip straight through memory lane. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that. Check that prognosis, is it real or showbiz? My window faces, shootouts, drug overdoses. Live amongst the roses, only the drama. For real, a nickel plate is my fate. My medicine is the ganja, here's my basis. My razor embraces many faces. Your telephone blown, black stitches of fatuations. People's a petrol, dramatic, automatic, fofo. I let blow and back down popo when I'm vexed. So my pen taps the paper, then my brain's blank. I see dark streets, hustling brothers who keep the same rank. Pumping for something, some are prosperous or fail. Judges hanging niggas, uncorrect bells for direct sales, my intellect prevails. From my hanging cross with nails, I reinforce the frail with lyrics that's real. Word to Christ, a disciple of streets, trifle on beats, I decipher prophecies through a mic that say peace. I hung around the older crews while they sling smack the dingbats. They spoke with fat cat, that nigga's name ain't bell rings. Blacks and fame scream about supreme team of Jamaica Queens thing. Uptown was outpost, son, heard he was kingpin. Yo, fuck rappers real, watch the herbs stand still. Never talking to snakes, cause the words a man kill. True in the game, as long as blood is blue in my vein, I pull my Heineken brew to my deceased crew in memory lane. Come on. DJ premier à la production du morceau. Hein. C'est un sample de Ruben Wilson, un artiste de R&B, de soul un peu accéléré. Ce petit torque amonde est du plus bel effet. Hein. J'adore l'orgamonde. Ah, j'adore l'orgamonde. Alors, un journaliste écrivit que cette chanson, hein, c'était un peu le pont entre le old school et le new school. Et c'est une vision très poétique hein, du hip-hop qu'on entend, entre la fierté d'être du ghetto et la dureté de la vie. Hein. Il parle de son enfance, de son histoire, de sa ville. D'ailleurs, le morceau souffle sur... attention, vous êtes prêts? Ouvrez bien vos lourdes. I rap for listeners, blunthead, fly ladies and prisoners, NSC holders and old school niggas. Ce qui, en fait, représente son public de quand il a commencé, en fait. Du coup, voilà, c'est une chanson... Restez très simple. Très nostalgique, voilà, vous ferez la traduction vous-même. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire sur la chanson. Pourquoi? Parce que les paroles sont très compliquées et très denses. Et si je me lançais dans une explication de texte à base de genius.com... On y sera encore demain parce que... Tu connais les bails. Parce que c'est vraiment, vraiment très long. Mais juste, voilà, j'avais envie de partager ce morceau-là avec vous parce que je le trouve très beau, très apaisant. Et puis Nas, c'est quand même quelque chose. Alors au début, je voulais mettre du Childish Gambino, hein, mais pendant les révisions la semaine dernière, j'ai réécouté l'album de Fiction Plane, hein, Left Side of the Brain. Et quand je dis que j'allais mettre du Fiction Plane, j'ai vu que Noé avait un petit peu la grimace. Je suis pas certain que t'aimes beaucoup ce groupe. Mais de bon. Toute façon, apparemment, on s'en fout de si les gens aiment bien ou pas. Hein. Ah oui, on s'en fout. Mais je le mets parce que ça fait chier Noé, donc c'est cool. Hein. Donc on est en 2007 avec l'album Left Side of the Brain, avec le morceau Death Machine. On s'écoute ça tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, sachez que j'aimais pas. Excuse-moi, hein, mais ça me trotte dans la tête. Non, parce que à la soirée de samedi, j'ai dit ah, j'ai peut-être mettre du Fiction Plane. Tu t'es retourné, t'as fait un peu la grimace. Ah, mais en fait, j'étais sous samedi et je pense que j'ai confondu. Et je pense que j'ai confondu avec autre chose. Bon, avec alors pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, sachez qu'il est mené par Joe Sumner. Hein, Joe Sumner, qui n'est autre que le fils de Gordon Sumner, qui est Clara. Je sais pas. Qui n'est autre que Sting. Ah ouais. C'est le fils de Sting. D'accord. Joe Sumner est le fils de Sting, hein, de The Police. Et c'est vrai, comment il s'appelle? Gordon. Gordon Sumner, c'est okay. Sting. Hein, et rien à voir avec Bernard Sumner. Rien à voir, oui, exactement. Avec Gordon Flash. Alors il y a un petit air dans la voix, de toute façon. Hein, et il joue de la basse, hein, comme son papa d'ailleurs. Mais justement, on sait. Enfin, j'en parle comme si c'était notre cas, mais vraiment. C'est passé à Rennes, je me souviens. On sait années. Que c'est jamais facile quand on est le fils ou fille d'eux, hein, et vrai. Qu'on marche dans les traces de papa ou de maman. C'est pour ça que j'ai fait un quiz sur les fils. Non, j'ai pas fait. Que ce soit dans la musique ou au cinéma. Hein, et donc, on a pas mal reproché au groupe au début de leur carrière de se servir des fréquentations avec le papa pour s'en faire un tremplin. Ah, hein. Bah forcément. Et c'est tout le thème d'un des morceaux d'ailleurs, oui, Farah. Non, je disais, il y a beaucoup de. Enfin, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus que certains acteurs, donc fils d'eux ou quoi, prennent pas le nom oui. forcément de leurs Exactement. Parents. Et, par exemple. Et ils veulent s'affranchir de l'héritage. C'est tout le thème d'un des morceaux d'ailleurs, toujours dans le même album, le morceau Running the Country qui parle justement de népotisme. Alors, minute culture, est-ce que vous savez ce qu'est le népotisme? Je pense que je sais, mais. C'est le fait de favoriser son entourage ou la famille en leur procurant des avantages. Par exemple, en politique, lorsqu'un dirigeant place son entourage à des postes clés. Ah oui, non, c'est un peu tout ce qu'on fait, mais c'est pas très bien dans des milieux professionnels. Voilà. En fait, c'est le mot savant pour piston, ouais. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, Joe Sumner est complètement conscient du lourd héritage. Qu'il a, vous savez, l'ombre de son père et tout, et surtout les critiques qu'il attend de tournant, parce que les critiques ont été très dures au début, hein. Mais il l'avoue, il a accepté l'aide de son père, hein, puisqu'ils ont fait la première partie de The Police en 2007. Mais à mon humble avis, ils ont bien réussi à s'en démarquer, hein, et maintenant ils veulent très bien de leurs propres ailes. Et on va continuer tout de suite avec un morceau de Bon Hiver et Saint-Vincent qui s'appelle Roseline. On s'écoute ça tout de suite. Thank you. Comme moi, en 2009, vous avez regardé Twilight, vous avez peut-être reconnu cette chanson car elle était dans la bande originale, enfin dans la soundtrack. J'ai pas vu Twilight non plus. Vous devriez pas regarder le film, mais vous pourriez vous pencher un peu plus sur les soundtracks parce que dans le chapitre 2, on a du The Killer, Some York, OK Go, Editors, okay, go. Grizzly Bear. Dans le troisième épisode des aventures des vampires, on a du Black Keys, Ben Overseas, The Dead Weather, Vampire Weekend. Enfin, c'est vraiment du beau monde à chaque fois. Des bonnes playlists. Et ouais. Franchement, c'est très très bien. Ça a été un peu repris ce système de demander à des artistes un peu hype. Parce qu'ils faisaient des morceaux originaux aussi. C'est un morceau original qui a été fait pour la soundtrack. Pareil pour Vampire Weekend, OK Go, etc. Et en général, c'est des bonnes. C'est toujours dans l'univers du groupe, mais ça rentre quand même dans l'univers du film c'est très très bien. Et donc Bon Iver, c'est un groupe qui est plus trop actif en ce moment, ça m'inquiète un peu. Donc c'est le chanteur, c'est Justin Vernon qui est un musicien qui fait beaucoup de choses à côté. Il a fait un autre coup, ça s'appelle Volcano Choir, et il a fait un featuring aussi avec Kanye West sur Monster. Et donc voilà, il pèse un peu dans le game, mais j'aimerais bien qu'il refasse du son avec Bon Iver, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Je croyais que c'était un mec, Bon Iver, en fait. Non, moi aussi, mais en fait, non, c'est Justin Vernon. Casse le mythe. Et du coup, il fait encore des trucs. Ils ont fait, Justin Vernon a un festival qui s'appelle Eau Claire, donc c'est sa ville natale, donc c'est très, très hipster, très... très barbe. Très folk indie, qui barbe sont un peu coincés en 2011, avec des barbes, et peut-être même qu'ils ont des imprimés Liberty sur leur chemise. Du coup, ils ont fait quelques nouvelles chansons en live, mais a priori, il avait dit que c'était un peu fini pour Bon Iver, les albums, donc j'espère que c'est pas vrai. Mais... juste, est-ce qu'ils ont fait des chansons qui bougent un peu plus? Parce que je pourrais écouter si ça bougeait un peu plus. Tu vas pas mettre ça en soirée, mais il y en a Tu m'en proposeras. J'en ai une qui... Ouais. Donc on verra ça après. Mais non, ça reste très, très, très folk, tranquille pour l'écouter dans la voiture. Tant pis alors. Ah, ou dans l'ascenseur. Nous sommes en 2008, pas en 2011. Et Justice remix Electric Feel de MGMT. On s'écoute ça tout de suite. Thank you. De MGMT plane perpétuellement sur cette émission. C'est ce que j'étais en train de me dire. Non, mais voilà, puisqu'on est open bar, hein, autant se faire plaisir. Hein. Ce morceau est cool, hein, il montre à quel point Justice sait poser sa magic touch hein, partout où il passe. Il passe au pluriel. Hein. Exactement. Ils ont même gagné un Grammy pour ce remix, c'est quand même quelque chose. Wow. Mais ouais, il y a toujours ce style Justice. Hein, tout ce qu'ils font, il y a toujours leur ouais, marque. Tu sais que c'est Justice, tu les reconnais. Hein. Gaspard disait d'ailleurs. En gros, j'ai besoin d'un là, je vais chercher un là ici. Et puis en fait, il bricole comme ça, ouais. Un peu un patchwork musical et c'est ce qui fait le style de Justice, c'est vraiment sympa. Je sais pas si vous avez vu le film de Romain Gavras et de Somi sur la tournée américaine de Justice. Non. Je profite du fait que je n'ai pas cherché d'anecdote sur ce morceau pour vous en parler. c'est assez marrant parce que c'est à mi-chemin entre un docu et un film, sauf que tout est réel, absolument tout, hein. Y a rien d'écrit à l'avance. Par exemple, le tour manager qui kiffe les armes, un bouchon, et qui achète des armes dès qu'il arrive aux États-Unis parce que ça le fait délirer. Le chauffeur de bus hein, qui est dans le Guinness Book parce qu'il peut atteindre la voix la plus basse, la note la plus basse hein, avec sa bouche que l'être humain peut atteindre. Il y a des groupies dans tous les sens, hein, bien sûr. Il y a Gaspard qui se marie à Las Vegas. Il y a même les flics qui arrêtent. Ça a l'air bien, ça, dis donc. Il est génial, ce film. Il y a même les flics qui arrêtent le groupe à la fin devant la foule qui est en train de crier et tout ça. Ils sont arrêtés par les flics parce qu'ils ont éclaté une bouteille sur la tête d'un mec. Il y a des concerts de dingue, hein. Ils vont acheter des villas, ils font mais n'importe quoi. Et c'est super marrant. Et le climax restera quand même hein, quand ils donnent un urophène à un écureuil dans le parc national du Québec. Je suis pas sûr que toutes les tournées se passent comme ça, hein, de nos jours surtout, parce qu'on avait l'air de vachement plus rigoler dans les années 70. Mais on peut remercier Romain Gavras, à qui on doit par exemple le film, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais... Enter the Void, dans ce film, c'est pas non, Gaspar Noé. Ah, non, le film Notre Jour viendra, oui, sur les roues, avec bien sûr Cassel. Ce beau gosse de Vincent Cassel, voilà. De oui, Clip Born Free de Mia aussi. Ah oui, ah, il est très controversé. Sur les roues, oui, aussi. Est-ce que ce serait pas lui qui a fait le clip Stress de Justice? Si, c'est lui, c'est aussi, ça. C'est Romain oui, Gavras. Mais lui, oui, il se défend en disant que non, il ne cherche pas à montrer de la violence gratuitement, il montre la violence qui existe, quoi. Oui, ça donc va. Voilà, on peut en tout cas le remercier d'avoir capturé ce film qui est vraiment génial, que je vous conseille de voir, qui est disponible sur Vimeo. Très bien. Moi, j'ai envie de parler d'un morceau qui me traîne en tête depuis un bon moment maintenant. Hein. C'est un groupe un peu underground néerlandais qui s'appelle Light Light. C'est pas vraiment connu. Ils ont sorti un EP éponyme, hein, il y a quelques années. Mais on va procéder de manière un petit peu différente là. Cette fois-ci, comme c'est un épisode open bar, je vais en profiter pour expérimenter un petit truc cette fois, chers camarades. Oui, Clara, on va en profiter pour non pas écouter le morceau, on va jouer au clip de ce morceau. Ça va être okay, un peu spécial. Alors, j'en appelle aux auditeurs, hein, également. Si vous êtes arrivé à ce passage de l'émission et que vous avez un ordinateur devant vous, je vous demande d'aller sur ce site pour également participer avec nous au clip. En attaché, c'est www.donottouch.org. Donottouch.org. Hein, c'est de l'anglais. Ne pas toucher. Hein. Voilà, ne pas toucher. C'est un lien que vous pourrez également retrouver sur la page Facebook, sur le site. Voilà. Donc, vous allez dessus et on en discute. Hein. Pour ceux qui n'ont pas internet, n'hésitez pas à aller en faire un petit tour plus tard. Hein. On vous laisse tout de même uniquement l'audio, ça reste un bon morceau, hein, donc Light Light par Kilo par Light Light, on s'écoute ça tout de suite. Cette expérience oui, vous a plu? C'était, oui, c'était rigolo, hein. C'est alors, rigolo. C'est un groupe assez inconnu du grand public, hein. J'ai découvert ça par un gros coup de chance sur Twitter. Je voyais le lien qui traînait, j'ai cliqué dessus et ça a fait un peu le buzz. Et je suis tombé sur la vidéo du clip, et c'est là toute la beauté de la chose. En fait, ce groupe est connu pour avoir crowdsourcé son clip, vous savez ce que c'est faire appel aux internautes. Hein. Et quand vous arrivez sur le site internet, la vidéo se lance, et en même temps, il y a un message qui indique que les mouvements du curseur de votre souris sont enregistrés. Et là, il y a des jeux, hein, donc on va vous demander de couvrir le visage de quelqu'un, de former un smiley, de montrer sur une carte d'où vous venez et tout. Et en même temps, il y a d'autres milliers de curseurs qui font ça en même temps que vous, donc c'est très drôle à voir. Et je trouve ça assez mignon, c'est un peu la beauté d'Internet. Hein. Et de voir des milliers de curseurs qui s'unissent comme ça. Et ça montre une belle complicité avec le public, hein, et c'était assez osé aussi hein, de sortir un truc comme ça. Et cette vidéo, là, ils ont enregistré des milliers de curseurs, et c'est leur clip officiel, tu vois, c'est passé à la télé comme ça, quoi. Et quoi qu'il en soit, j'ai légèrement me la pété un peu, hein, 20 sur 20. Parce que j'ai fait la petite j'ai fait l'expérience pile dans la période de temps où ils ont lancé l'enregistrement des curseurs, donc il y a de grandes chances pour que mon curseur apparaisse dans le clip officiel. Ah oui, je l'ai vu. C'est vrai qu'il y avait une moustache. Donc c'est ma petite fierté, hein, quoi qu'il en soit. Je trouve que le morceau est assez cool aussi, et je voilà. Reste sympa aussi, donc c'est un petit peu dur à dénicher, aller voir sur leur Bandcamp directement si vous voulez écouter la suite, mais c'est assez sympathique, mais ils ont qu'un EP, donc c'est dommage. Mon quatrième morceau, ça va être Forest de 21 Pilots, et on s'écoute ça tout de suite. Inside my brain, I don't wanna be heard. I wanna be listened to. Does it bother anyone else that someone else has your name? Does it bother anyone else that someone else has your name? Your name. I scream, you scream, we all scream 'cause we're terrified of what's around the corner. Of something better. I took some food for thought, it might be poisoned. The stomach in my brain throws up onto the page. Does it bother anyone else that someone else is your name? Does it bother anyone else that someone else is your name? I scream, you scream, we all scream 'cause we're terrified. Oh, what's around the corner? Something better. Torn into pieces over reasons of what these storms are for. I didn't understand why everything I adore takes a different form when I squint my eyes. Have you ever done that? When you squint your eyes and your eyelashes make it look a little not right, and then when just enough light comes from just the right side and you find you're not who you're supposed to be. This is not what you're supposed to see. Please remember me, I am supposed to be king of a kingdom. We're swinging on the swing. Something happened in my imagination. The situation's becoming dire. My treehouse is on fire, and for some reason I smell gas on my hands. This is not what I had planned. This is not what I had planned. Tell ce qui est marrant en fait avec ce groupe, c'est que ils arrivent à brasser pas mal de styles de musique. Donc par exemple dans leur dernier album qui est sorti en 2015, Blurry Face, il y a autant des morceaux qui font un peu penser à du rap, autant des morceaux au ukulélé, autant des morceaux qui font plus penser à Hurt. Et des morceaux aussi très très pop et je pense qu'ils s'identifient pas mal à la période un peu pop emo. Ils ont fait pas mal de tournées avec Panic at the Disco et Fall Out Boy. Groupe Panic at the Disco. Neuf dans l'après-midi. Neuf in the end. Moi j'adore. Ah, c'était bon. Sympa. Un NFT sur YouTube. Et en fait ils parlent de leur musique comme de la schizophrénique pop. Et voilà. Non, c'est en fait, du showgaze, du showgaze toxique. Donc le groupe se compose de Tyler Joseph qui est là depuis le début, et de Josh Dunn. Donc Josh Dunn il s'occupe de la batterie, et puis Tyler Joseph ils sont que deux, et il fait le chant, le piano, la guitare, le keyboard, le ukulélé, etc. Donc il fait tout le reste. Ouais, il est trop trop fort. Non, j'ai pas fini. On dirait Mario dans le dessin animé Mario. Non, ce que j'aime beaucoup aussi c'est que, enfin ils sont très populaires par exemple parmi plutôt la génération jeune génération. En fait, comme toi, Clara. Oui, voilà, comme moi, exactement. Non, mais par exemple sur Tumblr, ils sont très très populaires, etc. Et en fait, il parle d'ailleurs Joseph, donc a des problèmes d'anxiété, et en fait, il en parle dans ses chansons, et c'est pour ça que ça fait un peu penser à Michael Romance aussi sur certains morceaux. Ça, c'est bien, Michael Romance. Voilà. Et je vous conseille le dernier album, même si je n'ai jamais réussi à le trouver. Au Leclerc, je suis allée au Leclerc 4-5 fois, non mais 4-5 fois l'été dernier, j'y allais toutes les 2 semaines, 3 semaines et non plus. Mais je pense que le Benko, il y a plus de Benko. Je sais pas où trouver leur dernier album. Et ben va voir dans les petits disquaires de Rennes, il y a pas de disquaires. Ouais, faudrait que j'aille voir au CD, même où je t'ai acheté ton vinyle. Mais ouais, donc voilà, mais c'est très très bien. Et donc là, c'était tiré de leur album Regional at Best. Et aussi, il est présent en chanson en bonus sur leur album Vessel 2011. Ah, Vessel. Voilà. Non, Vessel, V-E-2-S-E-L. Ah, d'accord. Mais voilà, je vous le conseille. Une chanson sur le week-end et qui n'est pas une chanson de Laurie. Et de GLD non plus d'ailleurs. Friday night, Saturday morning, des specials, on s'écoute ça tout de suite. Out of bed at 8 a.m. Out my head by 10:30. Out with mates and dates and friends. That's what I do at weekends. I can't talk and I can't walk. But I know where I'm going to go. I'm going to watch my money go at the Locarno. No, when my feet go through the door, I know what my right arm is for. Buy a drink and pull a chair up to the edge of the dance floor. Bouncers bouncing through the night, trying to stop or start a fight. I sit and watch the flashing lights, moving legs in footless tights. I go out on Friday night and I come home on Saturday morning. I go out on Friday night and I come home on Saturday morning. I like to venture into town. I like to get a few drinks down. The floor gets packed, the bar gets full. I don't like life when things get dull. The hen party have saved the night and freed themselves from drunken stags. Having fun and dancing in a circle round. Il me semble que Philippe Manœuvre hein, voulait nous parler de cette chanson. Salut, c'est à toi Philippe. Alors, il faut remettre en perspective l'importance du week-end chez toute une génération de baby-boomers. C'est horrible. C'est trop dur à faire. Non mais voilà, c'est vrai que le week-end c'était super important pour cette génération. Un Friday on my mind chantait les Easy Beats en 67. Ouais. Saturday night, Sunday morning, hein, écrivait Alan Silito 10 ans plus tôt. Toute la semaine, en fait, les jeunes en travaillaient comme des chiens en cette époque prospère des 30 glorieuses. Et le week-end, habillés comme des dandys de la classe ouvrière, ils sortaient aller frimer dans les clubs de la ville, hein, danser toute la nuit, défoncer au Purple Heat ou au French Dogs. C'était des en fait qu'utilisaient les comment dire les pilotes d'avion pour la Première Guerre mondiale. Et en écoutant du ska, du rhythm and blues, du rock. Alors cette chanson-là est sortie en 1980, donc après les 30 Glorieuses. Hein. C'est l'histoire banale d'un type qui sort un vendredi soir, qui va danser, boire, draguer, hein, comme j'ai dit plus haut, puis il rentre chez lui, passe prendre à manger à 2h du matin, attend un taxi en mangeant sa tarte. Banale, vraiment, je vous dis. Mais d'un côté, cette chanson décrit tellement bien la réalité et le quotidien d'une partie de la jeunesse qu'elle peut pas laisser indifférent, ne serait-ce qu'au point de vue historique. Le type a l'air de s'amuser, et en même temps, il est très très cynique sur sa condition, hein, quand on écoute les paroles. Voilà, on sait pas trop sur quel pied danser. Ajouter ça à une musique un peu blasée, j'ai pas trouvé d'autres adjectifs, mais je trouve que c'est une musique qui est assez, un peu blasée. Assez flegmatique. Flegmatique, ouais. C'est très bon. Bon, pour la petite anecdote, hein, parce que je vous vois là, impatient sur votre chaise, le poing serré. C'est l'anecdote Genius. Il parle, c'est même une... Non, même pas Genius, parce que c'est moi qui l'ai trouvé tout seul. Ah, oh, merde. Il parle du Locarno Club dans la chanson. Hein. Il dit « Gonna dancing to the Locarno ». No. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment existé? Je suis allé me renseigner. Et en fait, le club a été détruit en 2010. Il a été ouvert en 1929. Donc, c'était un club assez connu à Londres hein, pour les années 60. Mick Jagger, il y allait les Small Faces. Oh, mais oui. et comment dire. Et en 1980, le club a été renommé. Il s'appelait The Cat Whiskers. Donc, travail mental. Mm-hmm. Je me dis que l'action de la chanson se déroule dans les années 60, bien qu'elle soit sortie en 1980, puisque ce club-là existait dans les années 60 et avait un autre nom dans les années 80. Du coup, il parle sûrement de la génération mode qui écoutait du ska et donc son genre de musique, puisqu'il participe au revival ska. C'est bravo, tout pour moi. Sherlock Holmes. Bon, ceux qui ont écouté notre émission sur les années 2000 ne seront pas dépaysés, puisqu'à défaut des Strokes, j'ai choisi un morceau de Julian Casablancas, le leader des Strokes, justement. Il avait sorti un bien bel album, je trouve, en 2009, un Phrases for the Young, et on va s'écouter un morceau que j'adore, bon, celui peut-être le plus connu hein, de cet album, c'est 11th Dimension. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Ready to the rhythm. Mon Dieu, que ce morceau est génial. Hein. Un morceau vraiment différent de ce qu'il fait d'ordinaire avec The Strokes. Et j'aime également... C'est un morceau new-yorkais, je trouve. Ouais, c'est exactement ça. J'aime beaucoup également le clip. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le clip, j'ai l'impression de voir une petite patte Kung Fury. Ou alors c'est dans Kung Fury, tu c'est l'inverse, de voir c'est Kung Fury qui est une petite patte Eleven Dimension, mais vous savez ce que c'est Kung Fury, c'est quand le mec il va dans le passé pour tuer Hitler. Le film de Jorma d'Eleven Island. Ouais, c'est... Voilà. Ah. Et justement, ce clip c'est inspiré d'un film de Bruce Lee, hein, donc voilà, il y a toujours cette petite patte. Ah ouais, d'accord, toi tu retombes toujours sur tes pieds. Toi. Ah ouais, et c'est dirigé par un ancien LucasArts justement qui a fait ce clip. C'est qui? Je ne pourrais pas dire son nom. Mais pardon, excuse-moi. Tu m'as séché, c'est pas bien. Alors d'ailleurs, il a beaucoup de regrets quant à cet EP, hein, parce qu'il le porte pas vraiment dans son cœur. Moi, je trouve que c'est pas un EP, c'est un LP. Il le porte pas vraiment dans son cœur, hein, donc alors que moi, je le trouve assez bien justement. Hein. Et en tout cas, Julian Casablanca, c'est un sacré personnage. Hein. Alors, il a une formation de musique classique. Hein. Récemment, il a décidé de penser qu'il n'y avait aucune vie sur les autres planètes. Voilà. Il a décidé ça. Et en ce moment, il a une lubie. Il veut créer le vélo électrique pliable parfait. Ça, c'est sa lubie du moment. Hein. Donc, il est vachement porté sur le vélo électrique. Ouais. Non, faut qu'il arrête les. Mais il a sorti un album l'été dernier, non Oui, ou c'est un nouvel album. Ouais. On se rappelle de son featuring avec The Lonely Islands dans Boombox. Ah, Boombox, tu mets celle-là, une des meilleures. Et bah, justement, Boombox, c'est pas celle que je préfère de The Lonely Islands. C'est pas ma préférée, mais c'est une Très drôle, très bonne, je pense. Into my Boombox. Moi, je pense que ma préférée, c'est Kindergarten ou c'est My Colon. Ouais, je crois que c'est Dicky the Box. Et en parlant de l'un, et quand on lui pose de la question de l'influence des Strokes dans la musique, et lui, il pense que en fait, ils ont pas vraiment contribué à influencer la musique moderne. En fait, pour lui, les Strokes ont plus contribué au fait qu'il y ait plus d'hommes blancs à porter des Converse. C'est tout. En fait. Ah oui, c'est pas tout à fait faux. Ouais, c'est pas tout à fait faux. Pour mon dernier morceau, je vais vous proposer un morceau de 2007 tiré de l'album Because of Times de Kings of Leon qui s'appelle True Love Way, et on s'écoute ça tout de suite. Ça, c'est cool. Lots of subs to do. I've been working. of Leon. Grande, grande beaucoup d'amour, hein, beaucoup, c'est beaucoup cool, d'amour. Les Kings of Leon. Mais c'est un d'où des groupes. Tiennent-ils leur nom? Alors, d'où tiennent-ils leur nom? Je voulais la garder pour après. Attends, non. Vas-y, donc, vas-y. Kings of Leon, c'est un groupe qui est sur la scène musicale depuis 2000. Donc, c'est, ils sont c'est composé de 4 membres d'une famille. Donc, il y a Caleb, Jared et Nathan qui sont frères. Et Matthew, leur cousin, donc tous des Follow Will. Et donc, leur nom, ça vient en fait du père des trois frères qui s'appelle Léon. Et donc, c'est les rois de Léon, donc Kings of Leon. Ah. Et c'est un hommage à leur papa. Voilà. Hommage à papa. Exactement. Et à tonton, du coup. Oui, à tonton, c'est ça. Et non, bah, Kings of Leon, c'est un groupe. C'est un peu mon premier groupe dont j'étais fan. C'est ton groupe chouchou. Ouais, mais après, avant, je connais pas des masses. Non, mais. Alors, les Nas. Non, mais. Bref, oui, non. Les Nas, jamais vraiment été fan, mais. Ouais, Kings of Leon, c'est. Après, je connais pas tous les fun facts, j'ai pas regardé toutes les interviews, tous les lives. Je connais même pas très bien leur premier album. Young and Manhood, mais Youth, Young and Manhood. C'est cool, Molly Chamber et tout ça. Ouais, ouais. Mais voilà, moi je me suis surtout. J'ai commencé à connaître surtout en 2008 avec l'album Only by Night, qui est pour moi un des meilleurs. Oui, leur plus connu peut-être, et pour moi le meilleur de leur discographie. Et bon, le morceau-là, True Love Way, il vient de Because of the Times, qui est donc celui d'avant et qui avait le morceau On Call, qui les a fait connaître au grand public. Il est trop bien cet album. Et il est vraiment très très bien. Mais je trouve que ouais, si je devais en choisir 3 albums, donc ils en ont fait 6. Pour moi, les 3 meilleurs, ce serait Because of the Times, Only by the Night et Come Around Sundown. Qui sont. Moi j'aime bien AA, Shake, ouais. Machin. Mais, il est cool aussi. Je trouve que Only by the Time et Because of. Non, Only by the Night et Because of the Times, ils ont un peu le même son, très plus rock. Ouais. Plus rock un peu sale, et puis Come Around Sundown, ça fait un peu plus country, mais ils sont très très bons, donc je vous conseille, il y a des perles sur chaque album, et donc voilà, je vous conseille. Pour ma dernière chanson, j'ai choisi un morceau bien de chez nous. Ah, un petit gars de chez nous. Un morceau de Garage Rennais, hein, ça vient de sortir, hein, c'est tout nouveau, la première fois que tu l'as entendu, c'était dans On s'écoute ça tout de suite. On va s'écouter les caviars spéciales avec Mindfuck, on s'écoute ça tout de suite. on n'est quand même pas à plaindre en termes de bons groupes à Rennes. Vous avez vu ça, c'est frais, c'est bon, concis, c'est sharp, ouais. Ça on voit quoi. Les caviars tiennent le haut du pavé hein, avec tous les groupes hein, de chez Beast Records, le label rennais domicilié chez Rock'n'Bones à côté de la place Sainte-Anne. Ah oui. C'est marrant parce que quand on parle des caviars spéciales, hein, les gens parlent des Madcaps. C'est systématique. Les Madcaps, c'est quoi? C'est un autre groupe rennais assez connu dans nos contrées et qui est vraiment pas mal. C'est vrai que les deux groupes ont partagé des membres. Hein. Par exemple, Vincent a été aussi, pas toi, hein, Vincent, le guitariste de Caviar, a été pendant les Madcaps pendant un temps. Et c'est vrai qu'ils ont fait aussi des tournées ensemble, hein, je crois qu'ils sont assez amis. Mais quand même, c'est assez poussé. Hein. C'est vraiment Madcaps, Caviar Spécial. Ils sont jumeaux, quoi. Il y a même un fanzine hein, qui a publié une interview du guitariste des Caviars, Léo, l'autre guitariste, et qui, pour illustrer son article, s'est trompé et a mis une photo des Madcaps. Oh non. C'était quand même assez marrant. Cool, c'est sorti il y a quoi? Il y a 3 jours. Et ah oui, du coup, je me demande jusqu'où va aller cette histoire. Pour en venir aux Caviars, ils viennent de sortir du coup leur deuxième album, hein, qui est vraiment excellent. Pourquoi tu touches la télé? Je sais pas, je suis créatif, je fais des choses quand je parle. Pour en revenir au Caviar, ils viennent de sortir un deuxième album qui est tout bonnement excellent. Et si vous êtes amateur de podcast, je vous conseille, oui, puisque vous nous écoutez, l'émission de Canal B Purple Rain qui est disponible en flux RSS sur votre podcast addict et où les Caviars spéciales ont été invités. Et vous, amateur de concert, je vous conseille de vous rendre le plus vite possible à un concert de Caviar Spécial pour passer un bon moment et une bonne tranche de rigolade. Il faut arriver en avance parce qu'au grand sommeil, il n'y a pas beaucoup de place. C'était un peu bondé, mais c'était bien quand même. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste encore un dernier petit morceau. Hein. Merci Noé, c'est toujours un plaisir. Ah, merci Vincent, c'était merci génial. Merci Clara, j'espère merci que ça t'a plu. Oui, c'était très sympa. Pour les prochaines émissions, on va se remettre à une session de brainstorming parce qu'on n'a plus trop de sujets dans la besace. On a une idée un petit peu casse-gueule, donc on va y réfléchir après, on va voir si c'est possible, mais bon. On remercie également les gens qui nous écoutent et qui s'abonnent de plus en plus au Flux RSS, ça fait plaisir. Hein. Donc, ah, Noé, ça fait très où est-ce qu'on peut nous retrouver justement? Alors, on peut nous retrouver tous les samedis au bar Le Balto. Exactement. Tous les vendredis au point éphémère à Paris. Et non, plus sérieusement, on peut nous retrouver sur PodCloud, hein. podcloud.fr/toutattaché. On s'écoute ça tout de suite, sans la CD, hein, vous l'aurez compris. Ou sur Facebook, hein, sur la page On s'écoute ça tout de suite, vous aurez toutes nos nouveautés, tous nos flux RSS et toute notre bonne humeur communicative. Et tous nos liens, si on pense à les mettre. Voilà. Donc c'est l'heure du dernier morceau, hein, c'est à mon tour. Hein. Il y a quelques jours, je me suis mis à réécouter un groupe que vous connaissez bien ici autour de la table, hein, les Cooks. Ah, oui. Ah, les cuisiniers. C'est tiré de leur album. Oui, c'est tiré de leur album Inside In, Inside Out. Hein, on va s'écouter. Ah, le meilleur. Donc on va s'écouter See the World de The Cooks. Hein, et moi, ça me plaît parce que The Cooks, hein, c'est Luke Pritchard, c'est les cheveux longs, c'est le flegme de la jeunesse. Hein, et quand c'est LOL. Ouais, c'est un de mes premiers concerts. C'est oui. Quand j'entends ça, je me revois au lycée parce que perso, dans mon lycée, tout le monde écoutait ça. Hein, bah, c'était un carton assez dingue. 2 millions d'albums vendus pour Inside In, Inside Out. Hein, donc il y a de quoi être fier, hein, je pense. Donc ce morceau, c'est un peu une feel good song, hein, où on imagine une bande de jeunes insouciants qui font le tour du monde, voilà, sans problème, sans souci. Ouais. Donc, et pour finir, à mon grand étonnement, le groupe tourne toujours encore un peu. Hein, Pour moi, ça faisait quelques années qu'ils étaient morts, mais non. Ben on ira les voir en concert. Ouais, j'espère. C'est un album sorti en 2014. Donc, d'ailleurs, l'album Inside In, Inside Out, dont vous allez écouter le morceau, là, See the World, il est un petit peu dénigré par les membres du groupe, et c'est quand même dingue, en fait, ces propensions qu'ont les groupes à avoir honte de leur premier album. Je sais pas, mais il y en a beaucoup quand même. Oh. Et pour finir, critique avait même comparé le songwriter et chanteur Luke Pritchard à une pâle copie sans saveur de Pete Doherty. Au revoir. Au revoir. Au revoir.